Quelles sont-elles? Deux dans l'ordre. Dans l'ordre comme elles sont citées dans le hadith. Deux avant Dohor. Quatre après avant Dohor. Deux après. Deux après le Maghrib. Deux après l'Isha. Et deux avant Salat al-Subh. Donc il y a quatre avant Dohor. Deux après Dohor. Deux après le Maghrib. Deux après l'Isha. Et deux après Salat al-Subh. Ce qui fait un total de 12. Et le prophète a.s.m. a dit, celui qui prie 12 raka'at dans une journée, dans la journée et la nuit, Allah subhanahu wa ta'ala lui bâtit ou lui construit une maison au paradis. Donc ça, ce sont celles qui sont mu'akkada, c'est-à-dire celles qui sont fortement recommandées, celles que le prophète a.s.m. ne délaissait jamais lorsqu'il était lorsqu'il n'était pas voyageur. Et lorsqu'il était voyageur, le prophète a.s.m. délaissait lesquelles de ses rawatib? Il délaissait celle de Al-Dohar, du Maghrib et du Isha. Le professeur Sam, lorsqu'il était en voyage, ne faisait pas les quatre avant Dohar ni les deux après. Il ne faisait pas les deux après le Maghrib et il ne faisait pas les deux après l'Isha. Et il faisait Al-Fajr et Al-Witr. Il y a celles qui ne sont pas fortement recommandées mais qui sont préférables. On avait dit quelles étaient ces prières? Deux avant l'Asr, deux avant le Maghrib et deux avant l'Isha. Et la preuve est le hadith du professeur Hassan qui dit Baina kulli adhanayn salah, entre chaque deux adhan il y a une prière, c'est-à-dire entre l'adhan et l'iqama. Non? Les mancha. Non, sahih. Le professeur Hassan a dit les mancha. Par la suite, il a dit pour celui qui le désire. D'où le fait que les savants en ont déduit que ces prières étaient uniquement préférables et non fortement recommandées. Pourquoi? Car le prophète a dit il est mancha, pour celui qui le désire. Avant le asr, deux, c'est quoi? Non, c'est là où on arrive, justement. Il y a aussi les quatre où le prophète a dit Rahimallahu abdan salla qabla al-asri arba'an. Il y a aussi quatre raka'at qui elles aussi sont considérées comme préférables, les quatre raka'at avant Al-Asr. Le prophète sallam a dit qu'Allah entre dans sa miséricorde toute personne qui prie avant la prière de l'Asr quatre raka'at. Ensuite on avait parlé des lectures des versets qu'il fallait lire dans certaines de ces prières. Qu'est-ce qu'on avait dit à ce sujet? Dans Sunnat al-Fajr, qu'est-ce que le professeur Sam lisait? Dans la première, Qul huwa Allahu ahad, dans la deuxième. Qul ya ayyuhal kafirun, dans la première. Et Qul huwa Allahu ahad, dans la seconde. Et il y a aussi d'autres versets que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait. Dans Sourate al-Baqara, Qul amanna billah wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila Ibrahim. Jusqu'à la fin du verset, on avait dit que c'était le verset 136 de Surat al-Baqarah. Et dans la deuxième raka'ah, le professeur Asselam lisait dans Surat al-Imran. Il y avait deux versets, on avait dit qu'il y avait deux hadiths à ce sujet, il y avait deux versions. La première, c'est le professeur Asselam lisait فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرِ قَالَ مَنْ أَنْصَارِ إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّ بِاللَّهِ وَشَهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. Si on avait dit que c'était le verset 64, le verset Afwan 52 de Surat Al-Imran. Il y a une autre version où le professeur Hassan lisait dans la deuxième raka'at قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. Qui était le verset 64 de Sourate Al-Imran. Ensuite, on avait parlé également de ce que le professeur Asselam lisait durant les deux raka'at après le Maghrib. Qu'est-ce qu'il lisait? Qul ya ayyuhal kafirun dans la première et Qul huwa Allahu ahad dans la seconde. Et le professeur Asselam